belle qu'à la réclusion. Entre le vol et la bicrave, et de tout chez nous on recrute. Le vrai boulot y'en avait plus, donc on a fini marchand de sable, hey. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Je suis pas dans les histoires qui tombent à l'eau, donc bien sûr en pâtisse, histoire c'est cadeau. Faut charbonner et fais pas de cadeau. Je crois qu'on reste dans le même terme, c'est galop. Tu dois des tas, je te cache pas. Un jour tout se sait, les montagnes se croisent pas. Les montagnes se croisent pas, donc on se croisera. On a des contrats de 7 à faire le ça. Sous le RG, la drée, tout ça. T'as de la cheva, si pour tout ça. Rends la tempête, la première l'eau, ça couche, ça sent le temps, c'est fini pour toi. Bref, t'as du croix, tu l'allumes dedans. Puis pas l'école, le casse carré a plus le temps. Le temps, mon gars, égale l'argent. Garde pas du temps, ça va te faire la coupe par temps. Fais pas les grains, qu'on en serait là, qui l'aurait cru. Moi, j'ai jusqu'à la récré, tu la foule, c'est belle qu'à la réclusion. Sur le vol et la bicrave, y'a de tout chez nous, on recrute. Les vrais boulots, y'en avait plus. Donc on a fini marchand de sable, hey. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, hey. Ici ça vend de tout à volume, là, mais je prévois ma vendetta. Je prépare une guerre comme vendetta. Trop la dalle ici, personne n'a vendu ta. C'est la foule, y'a dans le bec, sont créés des foules, y'a. Je bois le fou, gars, t'allumes full up ton fourga. S'il y a bagarre, tout le monde va s'en mêler. J'en prends 5-7 pas sans avoir fait s'en mêler. Je vise la tête, tu passes sur les mollets. Vite, un chercheur pour le coup, j'y vais pas mollo. Un des max, c'est un cascara. Y'a deux sur la moto, je suis avec Cora. Et tu panique donc toujours sur le courant. En pensant que je vais te faire partir en courant. Fais pas ricrain, qu'on en serait là, qui l'aurait cru. Moi, j'ai jusqu'à la récré. Tu la full up, c'est belle qu'à la réclusion. Entre le vol et la bicrave, y'a de tout chez nous, on recrute. Les vrais boulots, y'en avait plus. Donc on a fini marchand de sable, hey. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah. Marchand de sable, donc on a fini marchand de sable, hey, yeah.